بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم أيها الإخوة في سلسلة جديدة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى On commence aujourd'hui une nouvelle série tirée des propos d'Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى وقد سميناها عشرة أسباب لتخلف العمل عن العلم. Et donc on a appelé cette nouvelle série donc 10 causes, 10 raisons qui font que l'application de la science, 10 raisons qui entraînent l'application l'application de la science ou la mise en pratique de la science. Et tout cela, bi'idhnillahi ta'ala, tiré de quelques paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Miftah ou Dar al-Sa'adah rahimahullah. Et donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-ilmu bi kawni shay'i sababan li maslahati al-'abdi ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة. Et donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, le fait de savoir qu'une chose soit une cause pour le bien du serviteur, pour son plaisir, son bonheur. Et donc le fait qu'un serviteur sache que telle chose, c'est un bien pour lui. Telle chose, c'est une cause de bonheur pour lui, de joie pour lui. Il se peut que les œuvres liées à cette science soient absentes. Il se peut donc que le serviteur n'agisse pas en fonction de cette connaissance qu'il a. Et cela pour plusieurs raisons. فَعْلَمُ أَيُّهَا الْإِخْوَ وَالْأَخَوَاتِ أَهَمِّيَّةَ هَذِهِ الرِّسَالَةِ أَوْ هَذِهِ الدُّرُوسِ. Et donc sachez, aux chers frères et sœurs, l'importance de ces cours que nous allons suivre. فهي تتعلق بترك العمل بالعلم. Et certes, ces cours sont liés au fait de délaisser les œuvres avec la science. L'homme sait que telle chose, tel acte, comme l'apprentissage de la science, il sait que l'apprentissage de sa religion, le fait d'assister aux cours, c'est un bien pour lui. Il le sait. Mais il ne va pas le faire. Il sait que le fait de faire la hijra, c'est un bien pour lui. Il le sait. Mais il ne va pas la faire. Il sait que le fait de faire sa prière, c'est un bien pour lui. Il le sait. Mais il ne va pas la faire. Et donc, il y a plusieurs raisons qui vont entraîner, qui vont faire que l'individu ne va pas mettre en pratique sa science. Et c'est ça que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, tout au long de cette série très importante. Car nous en avons besoin, afin de faire partie des pieux, comme nous allons le voir. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, « Watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Récite-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné le ilm. Il savait. فانسلخ منها. Il s'en est détourné. Il s'est détourné de cela, de cette connaissance qu'il avait. Il n'a pas œuvré avec. فأتبعه الشيطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Subhanallah. Quelle est la conclusion? Shaitan a suivi cette personne. Shaitan a fait encore... Shaitan a fait que cette personne continue sa déviance. Et cette personne fut partie des déviants, des égarés. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » L'exemple de ceux à qui la Torah a été confiée et qui n'ont pas assumé cela. Ils n'ont pas œuvré avec la Torah. Et comme l'exemple de l'âne à qui on donne des livres. Comme mauvais est le peuple de ceux qui traitent de mensonges les signes d'Allah, et certes Allah ne guide pas les peuples injustes. Et donc, comme est mauvais le fait de ne pas œuvrer avec sa science. Et ici, certaines personnes vont penser qu'on va parler des savants, des tout le ilm. Non, on va parler de toute personne qui a une science. Toute personne qui a une science. Tu sais que la prière est obligatoire. Pourquoi tu ne la fais pas? Tu sais que la prière est obligatoire à la mosquée. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais que tu dois porter le voile. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais et tu sais et tu sais et tu sais. Toute personne qui a une connaissance qu'il n'applique pas, rentre dans les sujets, dans le sujet de ce cours. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit aussi dans son livre, Ya ayyuhalladhina amanu, la takhounu Allah wa rasoul wa takhounu amanatikum, wa antum ta'lamoun. Oh, vous qui avez la foi, vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son messager. Et ne trahissez pas votre dépôt alors que vous savez. Ce dépôt que vous avez, ce sont toutes les obligations et toutes les interdictions qu'il y a dans la religion musulmane. Et donc vous savez qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a rendu telle chose obligatoire. Ne trahissez pas. Vous savez qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a interdit telle chose. Ne trahissez pas. Alors que vous savez. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Est-ce que vous ordonnez le bien aux gens alors que vous oubliez votre propre personne alors que vous récitez le livre? Ne raisonnez-vous donc pas? Cela est contraire à la raison. Le fait que tu saches, en plus de savoir, tu appelles les gens à cela. Mais tu n'as pas suffisamment de raison pour mettre en application cette science que tu as et cette science à laquelle tu appelles les gens. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلانا ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leurs recueils respectifs d'après Osama ibn Zaydin radiallahu anhu un hadith très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle d'un homme au jour de la résurrection qui sera jeté dans le feu et dont son châtiment sera douloureux, il sera avili et les gens se rassembleront autour de lui. Ils lui diront, oh, un tel, que t'arrive-t-il? N'est-ce pas que c'est toi qui nous ordonnais de faire le bien et tu nous interdisais le mal? Alors il dira, oui, je vous appelais au bien, mais je ne le faisais pas. Et je vous interdisais le mal et je le faisais. Je vous interdisais le mal et je le faisais. Et donc, oh chers frères, chacun d'entre nous, en fonction de ses capacités, en fonction de sa science, en fonction de ses bagages, nous avons une responsabilité. Car ce que nous savons, nous devons le mettre en pratique. Le Coran est une preuve pour ou contre toi. C'est bien beau d'avoir du ilm, c'est bien beau d'avoir du bagage, c'est bien beau. Mais le plus important, oh chers frères et sœurs, c'est la pratique. Oui, nous sommes contents de mémoriser le Coran. Nous sommes contents d'avancer dans la mémorisation du Coran. Nous sommes contents d'avancer dans la mémorisation des hadiths. Nous sommes contents de mémoriser les fawa'id et les leçons profitables. Oui, nous sommes contents de pouvoir enseigner aux gens ce qui est bien pour eux. Nous sommes contents de pouvoir prêcher nos proches. Nous sommes contents d'être la cause de guider de certaines personnes. Nous sommes contents. Mais nous devons faire attention au fait que nos œuvres, les œuvres que nous accomplissons, soient en conformité avec notre science. Et d'ailleurs, plus tu as de la science, plus tu as de la science, et plus ton péché est lourd si tu délaisses cette science. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle donc aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « Ya Nisa al-Nabi, man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina, yudha'af laha al-azabu di'afayn. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. » Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui accomplira des turpitudes de manière claire, alors le châtiment lui sera multiplié par deux. Et certes, cela est facile à Allah. Wa man yaknut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal saliha nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Et celle d'entre vous qui obéira à Allah tabaraka wa ta'ala et à son messager et accomplira de bonnes œuvres, alors nous multiplierons ses récompenses par deux, et certes Allah a préparé pour elle une bonne subsistance. Les savants ont tiré comme leçon de cela que al-alim, le savant, celui qui a de la connaissance, celui qui a du savoir, s'il œuvre avec sa science, alors il précède les autres. Ses bonnes actions sont multipliées. Par contre, s'il n'œuvre pas avec sa science, alors ses péchés sont multipliés. Ses péchés sont multipliés. C'est pour ça qu'il est rapporté de Hudhayfa, comme on peut le voir dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba, que Hudhayfa, il s'adresse au Tullab al-Ilm, aux étudiants. Il dit Hudhayfa, lorsqu'il rentrait du moins dans la mosquée, il disait aux étudiants qu'il y avait, aux étudiants qui s'y trouvaient dans cette mosquée, « Ya ma'ashar al-qurra, usluku tariq, fela in selektumuhu lekad sabaktum sabqan ba'ida, wala in akhaztum yeminan wa shimalan, lekad dalaltum dalalan ba'ida. » Ô étudiants, suivez la voie, c'est-à-dire suivez la voie de rectitude, suivez la voie droite, appliquez votre science, car certes, si vous suivez celle-ci, cette voie de rectitude, vous aurez dépassé, c'est-à-dire vous aurez dépassé les gens de loin, parce que vous avez du ilm. Si vous faites cela, vous allez dépasser les gens de loin. Par contre, si vous prenez les voies à droite et à gauche, c'est-à-dire si vous délaissez le fait d'œuvrer avec la science que vous avez, alors là, vous allez vous égarer d'un égarement profond. Et donc, l'individu, il est important qu'il œuvre avec sa science. D'ailleurs, il faut savoir que si on n'œuvre pas avec notre science, barakallahu fikoum, si on n'œuvre pas avec notre science, alors cette science, nous allons l'oublier. Cette science, elle va partir. Comme il est dit, al-ilmu yahtifu bil-amal, fa in ajabahu wa illa artahal. La science rentre en contact avec les œuvres. La science appelle les œuvres. La science recherche les œuvres. Alors, si l'œuvre répond, la science restera. Si les œuvres répondent de manière favorable avec cette science, la science restera. Mais si les œuvres ne répondent pas, si les œuvres ne sont pas conformes à cette science, alors la science s'en ira. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, que chacun d'entre nous prenne conscience de l'importance du sujet que nous allons aborder et des causes que nous verrons durant ces cours afin de préserver notre religion, afin d'être parmi les pieux. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, as-sababul awwal, da'fu ma'rifatihi bi dhalika as-sabab. La première cause est la faible connaissance de cette cause. La faible connaissance de cette cause. C'est-à-dire que l'individu ne connaît pas bien, il ne connaît pas très bien le fait que cette chose, cet acte, soit une cause de son bonheur. Et que cette chose soit une cause qui est un bien pour lui. Il ne le connaît pas très bien. Il sait que la prière, c'est obligatoire. Il sait qu'il faut prier. Mais il ne sait pas combien c'est un bien pour lui. Ou alors il sait que telle chose est interdite. Ou alors il sait qu'il ne faut pas faire telle chose. Mais il ne connaît pas les conséquences de ses agissements. Et donc, en réalité, il est da'if al-ilm, il est faible dans sa science. Il connaît quelque chose, mais il est faible. Et donc, le premier point, la première cause que nous cite Ibn al-Qayyim rahimahullah, le manque de science. Le manque de science et le manque de connaissance. Le manque de science est une cause de ne pas œuvrer avec ta science. C'est-à-dire que tu as une part de science, tu as une part de connaissance, mais celle-ci n'est pas suffisante pour que tu œuvres avec cette connaissance que tu as. Car le fait d'accomplir les ordres et de délaisser les interdits, cela demande de la science. Et c'est pour cela que dans la définition de la taqwa, les savants ils nous disent que taqwa, intermel abita'atillah ala nourin minallah. C'est le fait que tu obéisses à Allah avec une lumière venant d'Allah. La lumière venant d'Allah, c'est le ilm. Et le fait que tu délaisses la désobéissance à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah, là, donc, la science. Tu as besoin de savoir ce qui est obligatoire pour le faire et tu as besoin de savoir ce qui est interdit pour le délaisser. Et donc, la science de cette personne est manquante. Ce qui l'empêche d'atteindre la piété. Méditons, oh cher frère, méditons sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est avec cela qu'on va terminer le cours d'aujourd'hui, inshallah. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit innama tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna as-su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Certes, le pardon est un devoir à Allah tabaraka wa ta'ala, un devoir que Allah tabaraka wa ta'ala s'est imposé à lui-même. pour ceux qui vont accomplir de mauvaises actions. Bijahala. On va traduire bijahala pour l'instant par ignorance. Mais on va voir plus tard la différence qu'il y a entre par ignorance et par ignorance. La différence qu'il y a entre bijahala et bijahlin. Et donc, si vous voulez, on peut le traduire par ignorance des conséquences. Et donc, certes, le pardon est un devoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est imposé pour ceux qui vont accomplir de mauvaises actions par ignorance des conséquences. Puis vont se repentir. Min qarib, c'est-à-dire à un moment proche. Ce qui est voulu par un moment proche, c'est-à-dire avant la mort. Fa'ulaika yatubullahu alayhim. Cela, Allah leur accorde le pardon. Wa kana Allahu aliman hakima. Et certes, Allah est alim, il connaît tout. Hakim, sage. As-Sa'di rahimahullah, il dit, dans l'explication de ce verset, dans le tafsir de ce verset, il dit Sa'di, liman amiles sou'ay al-ma'asi. Et donc Allah donc pardonne à celui ou à ceux qui accomplissent de mauvaises actions, c'est-à-dire les péchés. Bijahala, ce qu'on a traduit par ignorance des conséquences. Il dit en expliquant cela, Sa'di rahimahullah, ay jahalatin minhu bi'aqibatiha wa ijabiha li sakhati Allahi wa iqabihi wa jahlin minhu بنظر الله ومراقبته له وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. سبحان الله. Il dit le Cheikh Saadi. C'est-à-dire que cette personne, elle ignore les conséquences de ses actes. Et elle ignore le fait que ses actes vont impliquer obligatoirement la colère d'Allah et son châtiment. Elle implique que ses actes vont impliquer la colère d'Allah et son châtiment. Et elle ignore le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'observe. Elle ignore le fait Elle ignore donc la finalité de ses actes. Le fait que ça va entraîner la diminution de sa foi ou la disparition de sa foi. Et donc, toute personne qui désobéit à Allah est en réalité un ignorant. En prenant en compte cette explication, même si celui-ci connaît l'interdiction. Fin de citation. Et donc, chers frères, barakallahu fikoum, première chose que nous devons avoir si nous voulons appliquer notre science, c'est avoir une bonne science. Toute personne qui sait que tel et tel péché peut entraîner le fait qu'il n'ait plus la foi après cela, alors comment est-ce que cette personne peut faire ce péché? Comment est-ce que cette personne peut faire ce péché? Et donc, si nous faisons ce péché, c'est que nous avons en nous une ignorance en réalité. Nous ignorons les conséquences de nos actes. Une personne qui sait pertinemment que le feu brûle, elle ne met pas sa main dans le feu. Elle ne met pas sa main dans le feu car elle sait que si elle met sa main dans le feu, elle va brûler sa main. Elle ne veut pas avoir mal. Et donc nous, le problème que nous avons, barakallahu fikum, c'est le fait que nous ignorons les conséquences de nos péchés. Et donc ça, c'est la première cause qui va entraîner le fait de ne pas œuvrer avec nos connaissances. Et donc pour œuvrer avec nos connaissances, nous devons donc apprendre les conséquences